Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et votre seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Bonjour! Parlant de poubelle homosexuelle, j'appelle Charlie Morin and I'm turning looks stunning pretty. I'm that bitch from Chicoutimi. Je parle pas de Chicoutimi. J'ai pas grandi à Chicoutimi. Mais je crois que ça sonnait bien. C'est des mensonges. Alors moi, c'est Jess PVM, toujours concierge, toujours bipolaire. Et je suis finalement, moi, je suis devenu Mask for Mask. Ah ouais? C'est fait. Moi, yeah. moi, si t'es pas capable de casser des noix avec ton anus, t'es pas assez viril. Sacrement! Et ce matin, on n'est pas tout seul? Non, non, non. Je suis là, Hervé Méta, là pour vous, mesdames. Champion 2019 du concours de limbo de char de Saint-Jérôme. Ex-joueur élite de curling renvoyé pour grossière indécence. Et sûrement paternel d'une vingtaine d'enfants hydrocéphales et hyperactifs. Salut! C'est quoi du lait de soya en passant? Roquebière aussi qui est présent. Bonjour. Hey, salut. Trinqueux de fond de taverne, propriétaire d'une horde de loups affamés. Cherche-moi pas, ma droite est solide, mon coude léger. Et si je pouvais me transformer en animal, je me transformerais en cuir. Oh my god, yes, daddy, yes. Alors aujourd'hui, Charlie, de quoi on parle? Aujourd'hui, ben, on est avec nos deux daddy, puis on parle de nos relations avec nos amis les hétéros. Qu'est-ce qu'on est allé se faire dire, qu'est-ce qu'on est allé de répéter, et quelques petites anecdotes sur nos vies en terre straight. Oh mon Dieu, ça va être bon ça. Fait que pour l'instant, on s'en va sur un chantier de construction, voir si on pourrait pas prendre un café avec les boys en caressant nos outils, et on vous revient over caféiné. Fait qu'on a siroté notre café dans une coupe en styromousse entre une sauteuse puis un marteau piqueur, puis la place était tellement straight que Grindr affichait juste un black screen. So straight. Là, qu'on se le dise, dans la vie de tous les jours, au travail, en famille, sur la rue, un peu partout, dans les médias surtout, on a tous et toutes affaire à des hétéros sur une base quand même assez régulière, je crois. Qu'est-ce qu'on est plus capable d'entendre de la part des hétéros, qu'on se peut plus, là? Charlie? je sais pas pourquoi je chante une hot cake. Mais OK, moi, pour vrai, moi, c'est plus de... Pas les hétéros en général, mais les hétéros woke en tant que tel. Moi, les hétéros woke, c'est mes préférés. Parce que moi, il y a tellement d'affaires que je suis juste comme... tu sais, des hétéros qui vont dire, je sais pas, là, qui vont emménager en couple avec leur chum ou leur blonde, qui sont comme... Mais là, j'ai quelque chose à dire, mais tu vas trouver ça tellement hétéronormatif. Mais genre, pis je suis comme bitch! Oh, wow. Genre, I'm not surprised! Genre, c'est pas parce que là, maintenant, tu connais la signification du mot pis que t'es comme, t'as réalisé que ta vie était genre hétéronormée que là, il faut que tu me trigger warn. Je suis comme, je le savais, là, tu vas avoir un, tu sais, je veux dire, vous allez préparer une chambre de bébé dans 2 ans, genre, c'est chill, c'est juste votre vie, c'est comme ça que vous vivez, genre, je comprends, tu sais. Si tu vas t'installer dans une commune de lesbiennes avec, à Berlin, en relation polyamoureuse avec 5 personnes, là, avertis-moi, là, je vais être actually surpris. Mais pour vrai, si t'emménages avec ton chum, comme great for you, ouais, genre ça va, je suis capable de comprendre qu'il y a des gens qui vivent ça. C'est ton cycle. Suis ton cycle. Moi là, venez jamais me voir. Moi, il y a bien des hétéros qui font ça, là, qui viennent te voir, là, ils sont comme, hey, moi, là, si tu savais comment que je pogne avec les gays, là, je vais dans le village, là, je me fais cruiser. Moi, tu viens pas me voir pour me dire ça parce que je vais te read to death. Ben oui. Non. Je sais pas pourquoi ça m'arrive tout le temps. Genre, à chaque fois, je suis comme, OK, tu veux-tu un blowjob ou on arrête cette discussion-là? Non. Parce que je suis comme, moi, ça marche pas. J'ai vraiment ça. Ah ouais. Hervé? Ben là, c'est sûr que moi, c'est plus le pendant lesbien que la chose, mais tu sais. Mettons, me faire demander c'est qui l'homme du couple. Ah, ben oui, c'est classique. Ben, love it. Les gens qui pensent qu'on fait le ciseau à tous les soirs. ceux alors qui pensent qu'on baise en se donnant des câlins, c'est encore pire. Sacrément. Mais qui pense que le ciseau, c'est efficace? Hey, mais il y a une fameuse soirée où il y a. Moi, j'ai entendu plein d'histoires de ciseaux sur Successful. Oui, ça se passe. C'est quand même le fun. C'est pas genre, tu sais, en tout cas. Non, mais tu sais, c'est pas la vie, là. Mais non, mais c'est quand même drôle. On voit cette soirée où ce comédien merveilleux, on le salue d'ailleurs, nous faisait des signes de ciseaux, tu sais. Hey, les filles! Oh my God, for real? Oui, lâche pas, mon homme. Je pense qu'il y a le classique « J'ai un ami gay, j'ai une amie lesbienne, je pourrais te le présenter. » Ah oui. Ça, c'est rochant. Ça fait partie de la vie aussi. Ouais. Comme si, premièrement, comme si on cherchait tout à se matcher. Moi, vraiment pas. Le moins possible. En fait, le moins, le moins je rencontre d'êtres humains dans ma vie, le mieux je me porte. Toutes catégories confondues. Sinon, toi, Charlie, t'as l'air de... Ceux qui viennent te voir, ils sont comme, I'm not like other men. J'ai déjà frenché un gars. Oh, oh my God. Là, t'es juste comme, hey, attends. Ah oui, les initiés. Oui, oui, puis t'es juste comme, attends, là, t'as surpassé ta masculinité fragile pour t'abaisser à mon niveau. Oh genre, moi, là, ça me remplit de joie. Là. Moi, je sais plus quoi. Moi, pour vrai, je vais de mon compte de banque, on me dit ça. Je peux prendre tout mon argent. Voyons, merci. Une chance. Il faut que tu sois tout comme toi. Je suis pas comme les autres. Fuck off, là. En plus, surtout, je soupçonne la plupart des gens, gars comme filles, d'avoir essayé plus qu'on veut se le dire. Ben non, mais tu sais, je veux dire, on s'entend, là. C'est le pas si surprenant. Comme je suis vraiment correct et fier que, genre, il y a plein de gars straight qui se sentent, genre, chill d'essayer, tu sais, mais m'a pas donné de médaille, calice, là. Genre, non. Ça va, mais toi, t'as clairement grandi à Montréal, tu sais. Moi, je viens de la région de Québec. Ils sont pas rendus là, là. Ils sont encore mal à l'aise de dire que son chum est beau, tu sais, à soir. Ouais, c'est beau ouais. ce que tu portes, là. Mais ça, c'est comme un petit. Ça passe quelque chose. Hey, non, pas no homo. No homo. Oh my God. J'avais pas pensé à ça. No homo. OK, mettons-le, qu'on pourrait avoir accès à la conscience collective hétérosexuelle puis lui souffler des choses à l'oreille. Qu'est-ce qu'on lui dirait à cette conscience collective hétérosexuelle-là? Ah, hein? Par où commencer? Mais que c'est correct, les gars, justement. It's OK vous to be gay or not gay. Vous avez le droit de vous donner des câlins. Oui! Ah, mon Dieu! Mais aussi, juste dire aux straight que, genre, le sexe, c'est le fun. Oui. Parce que des fois, ils sont tellement prudes avec la sexualité puis genre, jamais de cul, ils en sortent jamais une grinçante ou un, tu sais. Puis là, genre, quand ils sont comme des tapettes, ils sont comme, oh my God, vous êtes tellement crazy! Puis on est juste comme, ben non, on a fait juste, tu sais, comme c'est correct, ça fait partie de la vie. Ou qu'il y a plusieurs formes de sexualité aussi. Tu sais, il y a comme un straightforward, tu sais, genre une façon de faire, on dirait. Là. Mais tu sais, il y en a plein d'hétéros qui doivent baiser de façon originale, mais on dirait que. Ah, mais il y a beaucoup de gars straight qui ont le manque d'imagination pour et tabarnak. Moi, chaque gars straight qui comprend pas comment que les lesbiennes font pour fourrer, je me dis, mais hey, toi, là, ta partner, là, ça doit être d'une tristesse. Oh my God, imagination, hein? Là. Quand même. Sacrement. Mais je pense dans la même veine, moi, j'aimerais ça leur dire que le sexe anal, c'est pas une exclusivité de gars homosexuels. Mais en même temps, non. Le monde a l'air de penser qu'il y a juste nous autres. Moi, je pense que les straight, quand c'est genre d'un pénis de gars straight vers un anus de genre femme straight, pour eux autres, l'anal, c'est bien correct. Non, mais moi, je l'aurais vu dans l'autre sens. Moi, je veux une fille avec un. Ah ouais, ouais, ouais! Ah ouais! Oh wait, you are the pegging queen, young and sweet, only 17. Avertis-moi la prochaine fois que tu fais ça, je vais enlever mes écouteurs. Ah! Moi, j'ai embarqué, là, j'ai aimé ça. Ouais, moi je pense que tu sais, comme toutes les filles straight sont comme, oh my God, comment ça je trouve pas de chum, comment ça je suis seule, comment ça que tu sais, non, puis moi je suis juste comme, c'est parce que mais c'est parce que pour vrai, genre, il y aura jamais, tu sais, comme pour toutes les filles hétéro que je connais qui genre sont tout seules, il y aura jamais un dude straight qui va avoir de l'allure à la hauteur de comme ce qu'elles valent. Oh. I mean, straight men be trash. Oui. Straight men be trash. Oui. Je suis juste comme, ben, parce que, tu sais, pourquoi t'as pas de job? Parce que tu baisses pas tes standards, puis c'est correct. C'est vrai, c'est bien. Moi, je sais, je travaille. They just gotta be better. Oui. Tu sais, moi, je travaille dans un bureau, puis c'est du monde de bureau. Genre, c'est quand même un bureau open. Le monde est assez jeune et woke. Okay. Mais c'est vrai, ça. Ouais. Que j'ai beaucoup de personnes. Les femmes viennent me voir, elles sont comme, ah, oh, j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfant, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je suis comme, et du fun, si t'as comme, ça va bien, moi j'ai pas d'enfant, puis il me semble que c'est la plus belle affaire qui m'est pas arrivée dans la vie, c'est que je ne jamais. Non, mais tu sais, on nous dit constamment qu'il faut se mettre en couple, avoir des enfants, tout ça, tu sais. C'est sûr que tu te sens un peu perdu quand t'as pas tout ça, là, tu sais. Mais surtout, tu sais, en tout cas, dans un monde straight où genre tout le monde se met en couple, puis il y a des bébés, tu sais, je sais pas, là. Mais genre, ouais, c'est ça, là. Attends, là, il y a du monde à notre âge, il y en a genre deux puis trois, là, tu sais. Hourra pour la fluidité qui débarque. Yes. La fluidité qui chamboule. Sinon. Ouais, quoi? C'est... Sinon, ben, moi, je suis fâchée quand même contre certains hommes hétérosexuels qui pensent que je suis aux femmes parce que j'ai pas trouvé le bon, tu sais. Oh my God! Oh, ouais. Parce que oh j'ai jamais ça, eu le bon sexe adéquat. Non, c'est ça, t'as pas trouvé le bon. Non! Ouais. Non. Fait que t'es avec moi en attendant. Fait que je leur dirais. Oui, c'est ça. Non. Non. Rock, c'est ton stand-by. Oui, c'est ça. Ton plan B. The one. The audacity, là. Mais tu sais, je pense que comme l'espèce de position de privilège que les gars straight comme occupe, c'est quand même aussi une certaine pression de comme on leur donne les clés pour qu'ils rentrent partout. Là, on est juste comme oh, tu sais, comme on leur donne tout le temps notre confiance, ils sont tout le temps comme au centre de tout, puis genre au pire Moi, c'est une bonne affaire qu'on devrait leur dire. Vous n'avez pas besoin de tout gérer. Mais non, mais il y a aussi un truc de comme. Mais je comprends en même temps qu'ils se sentent imposteurs puis qu'ils soient anxieux about it parce que c'est vrai qu'ils ne l'ont pas gagné, en fait. Puis genre, on le sait que deep down, là, vous êtes insécure, vous n'êtes pas si nice que ça, vous n'êtes pas si big shock. C'est juste que vous êtes en position de privilège puis on vous accorde la confiance. Fait que là, arrêtez. Tu sais, comme, we know. On le sait que vous êtes les pires. Genre, on le sait que vous avez pas d'allure. Retroussez-vous les manches, be better. Genre, arrêtez de vous morfondre sur le comme votre syndrome de l'imposteur de comme oh my god, genre j'ai toutes les opportunités du monde. Mais bon, au final, genre, des fois je trouve que comme les gosserets sont sad boys en crise là. Mais oui. Ouais. Mais ils s'organisent des paras. Des paras, des paras. Oh my god, c'est oui. Ça, mais c'est oui. Ça, oh Seigneur, la fierté straight. La fierté straight, on n'en parle pas assez. Ben, on en parle, on en a déjà trop parlé. Oui, c'est ça. On en a déjà trop parlé. En même temps, je pense que dans nos communautés, puis là, je pense beaucoup en termes de d'hommes gays, il y a de la misogynie dans la communauté LGBTQ. Je pense que... puis ça m'a fait penser, qu'est-ce que nous, on fait de straight entre nous? Hein? Question tough et profonde que je vous pose aujourd'hui. Moi, je pense que la première affaire qui m'est venue en tête, je vais commencer parce que je me souviens. Ah oui, ben vas-y. C'est moi qui parlais, anyway. Je pense que de nos jours, ça se ferait plus. J'imagine que ça se fait encore, mais j'aime autant mieux pas y penser. J'ai le droit de toucher les femmes comme je veux parce que je suis gay. Ah ouais. Ça, j'ai vu ça beaucoup. Dans mon jeune temps, je dois plaider coupable dans ma jeune époque où je pensais que c'était correct. Genre, c'est correct, tu peux te mettre tenue devant moi, je suis fif, sois à l'aise, genre, comme si on avait tous les passe-droits. Ouais, mais ben, vice-versa aussi, là, tu sais, les femmes qui vont. Tu sais, je comprends qu'on parle plus du côté misogynie, mais tu sais, la femme qui va se permettre avec son ami gay, tu sais, puis qui va. Oui, mais. Il y a comme le côté sexiste, la tapette. Oui, mais oui, il y a aussi. Oui, c'est vrai. La tapette objet. Avec qui on dort en cuillère, et qu'on regarde. Je sais pas, Americans Next Time Model. Tout oui, ça, oui, oui. Qui s'appelle toujours Ça, c'est mon meilleur ami gay. Oui. C'est ça son nom. On le salue d'ailleurs. On le salue. Il y a eu aussi l'espèce de besoin d'imiter le modèle hétérosexuel aussi pour réussir sa vie gay, tu sais. Ouais. Donc, d'avoir les droits de mariage, de tout ça, tu sais, l'adoption et tout ça. Puis c'est un peu dommage que, de toute façon, que c'était pas acquis à la base, mais on dirait que ça amenait aussi un espèce de désir de. Ouais. Copier le modèle hétérosexuel. Ça a pris de la place en crise. Ben oui. Le mariage homosexuel puis le droit d'adopter, c'est comme le droit d'avoir une famille nucléaire hétéronormative. C'est genre. Il y a même. Faudrait que je trouve des sources, mais c'est pas grave. C'est une radio poubelle. Radio poubelle. Vous irez googler, mais je me rappelle qu'il y avait des grosses, grosses, grosses associations LGBTQ aux États-Unis qui militaient pour le mariage gay, genre qui. Une fois que ça a été légalisé, ils ont commencé à embarquer sur d'autres luttes, la lutte pour les droits des personnes trans, à faire de même, le financement est parti du jour au lendemain. Non. Ça a pris genre 3 secondes. Mais c'est ça le problème, c'est que ça drainait beaucoup d'efforts puis d'énergie, en fait, pour aller vers ça. T'sais. En plus. Mais aussi dans notre espèce d'imaginaire collectif, c'est comme, bon, ben, une fois qu'on a ces droits-là, oh, l'égalité est atteinte. T'sais, alors c'est que c'est on l'a pas plus complexifié que ça. Ben, t'sais, je veux dire, comme, ben, OK, là, ça m'arrive puis avoir des kids, mais, tu sais, genre, effectivement, c'est qu'une part l'imitation de l'hétérosexualité, puis comme, c'est peut-être pas ce que tout le monde veut non plus. Là. Non, puis, dans une autre veine, moi, je me posais la question, est-ce que des fois, on sous-estime pas les hétéros? Souvent, là, on va se retrouver dans des situations, ils vont dire de quoi de trash, ils vont dire de quoi de super hétéronormatif qu'on pourrait. Puis je pense que des fois, on se retient de le dire en se disant, je vais m'embarquer dans un gros débat. Ouais. Ça va être l'enfer. Ouais. Mais bon. C'est parce qu'il y a de l'émotion aussi qui va avec ça, tu sais. Moi, j'étais avec une fille depuis 3 ans, tu sais. Fait que je découvre tout le merveilleux monde de l'homosexualité depuis 3 ans. Et dans ma famille, c'était comme une bombe, tu sais. Puis encore, aujourd'hui, je reçois des commentaires que c'est difficile de pas moi-même devenir émotif puis de débattre avec mon sang-froid. Mais surtout débattre, t'sais, juste dans le terme débat, t'es juste comme si c'est là, c'est pas un débat, là. C'est juste, non, c'est comme c'est ma vie, c'est ça. Vous comprenez ma situation, oui, c'est exact, ça, ouais. C'est literally une situation d'éducation, c'est juste comme l'énergie sort de toi vers eux, là. Oui, c'est ça. Bon, ben, fait que nous autres là-dessus, on s'en va au café Reine Garçon, voir si on pourrait pas jaser avec un lapin en buvant un Earl Grey, puis on vous revient over teené. Bon, fait qu'on s'est trempé à la poche jusqu'à ce que notre thé soit amer comme un vieux péquiste. Puis là, il faut qu'on se jase. Ça, c'est amer. Ça, c'est amer. Fait qu'il faut qu'on se jase. Bon, OK, il faut qu'on se jase. Les amateurs et amatrices, sait-on jamais, de porn gay savent probablement de quoi je parle. Il y a des très gros brands de porn particulièrement du côté des hommes gays, qui misent énormément hein, sur l'érotisation des straights. On pense à Broke Straight Boys, Bait Boss, Gay for Pay et genre Gay for Pay. Mon super accent anglais, Gay for Pay. Anyway. Gay for Pay, on a compris. Ouais, okay. ouais, non, c'était pas bon. Grave. Pourquoi est-ce qu'on érotise tant que ça les hétérosexuels et est-ce que. Je me posais la question tantôt off the mic. Est-ce que ça, ce fantasme de l'hétérosexualité-là existe aussi en régime lesbien? C'est une bonne question. C'est une très bonne question, mais Geneviève, Hervé Metal, m'a initié à Occupation double. Moi, je veux rien savoir de regarder Occupation double. Là, je parlerai pas de porn, mais je vais parler plutôt de l'hétérosexuelle femme à la télé. Puis elle disait... Mon Dieu, ce serait donc le fun aussi que ça se passe du côté de la maison des filles. Tu sais, c'est moi, ça. Là, moi, je suis comme les filles, pour vrai. Roulez-vous à B, tabarnak, lâchez la maison des gars, d'avoir bien plus de fun, tu sais. À chaque fois qu'ils se confient l'une à l'autre, ils se parlent proche, puis à chaque fois, je suis comme, ah, oh, ils vont-tu se frencher? Bon. Hey, le scandale en plus, genre. Hey. Ça finit que c'est deux filles qui gagnent, merci, bonjour. Mais oui! Mais il y en a une qui rentre. L'an passé, il y en a une qui est rentrée dans le but de se get une fille, puis ça a pas passé finalement. Mm. Ah ouais. Mais on sait jamais. Mm-hmm. Mais ouais, pourquoi on érotise? Pourquoi on les érotise? En tout cas, je sais que chez les gays, c'est vraiment intense, l'érotisme. Because we hate ourselves. Pour vrai, c'est juste pour ça. Mais oui! Non, mais moi, à un moment donné, je suis comme, pourquoi t'érotises literally les gens qui ont l'air des gens qui te bulliaient au secondaire, puis quand t'as ton coming out, puis que, genre, tu utilises ça comme manière... Tu sais, parce que, veux pas, c'est aussi une manière de se dire que nous, on n'est pas attirants, puis que nous, genre... Ouais, tu sais, d'érotiser la straightness, puis de se dire que, genre, être gay, être efféminé, ça apparaît, c'est ça, tu sais. Dans le fond, on devient nos oppresseurs, puis on les érotise, puis je suis juste comme, c'est fuck, toi, tente pas. Moi, je voyais le côté positif d'aller l'autre bord de l'interdit, peut-être, tu sais, genre, ça m'est interdit, c'est pas attiré vers moi, mais je vais essayer d'être assez séduisant. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, comme les femmes sont moins rigides là-dessus. Tu sais, les dudes straight, là. Non, ouais, j'avoue. C'est un peu plus violent qu'une. Ouais, qu'une tandis que les filles straight, elles savent en sacrement là, que les lesbiennes, ils ont clairement plus d'orgasmes, genre, que les femmes straight. C'est ça, elles savent, là. Elles ont lu les statistiques, là. Ça, d'ailleurs, faut le dire. On ramène au segment qu'est-ce qu'il faut dire aux hétérosexuels. Oui, la crise dans les orgasmes. Mais oui, là. C'est beau, j'ai tapé mon micro-bag. C'est bien. Yes! Non, moi, je pense qu'on. Personnellement, moi, je fantasme sur les straights juste parce que je veux les convertir un après les autres jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. C'est bien trop d'efforts. D'ailleurs! C'est tellement d'efforts. Faut donner à la communauté. Convertir un gars straight, là? Oh my god! Convertir un gars straight, c'est plus dur que convertir une fille straight. Puis moi, ce qui me gosse. Mais ce qui gosse avec les gars straight, c'est que il faut que tu leur fasses sentir que c'est plus toi qui veux qu'eux autres parce que c'est toi qui es gay. Si tu veux plus, c'est comme si lui était moins gay puis qu'il se faisait juste comme, tu sais, comme entraîner là-dedans. Et moi, je suis comme, bitch, if you want it, come go for it. Mais si tu veux pas, tu veux pas. Moi, je suis comme, ma colisse, il y en a plein des belles tapettes qui vont être sûres s'ils veulent ou pas, que je vais pouvoir y aller, que ça va être fucking simple. Tu sais, moi, m'a pas niaisé pendant, tu sais, à dealer ton homophobie intériorisée, à te rassurer, à te dire que ça va bien aller. Je suis comme, bitch, genre, j'ai. I'm a busy mom, là. J'ai plein d'affaires à faire, là. Comme. Puis, tu sais, comme. En tout cas, dans ma tête à moi, je sais pas si c'est vrai, mais dans ma tête à moi, genre, les gars straight, si, mettons, moi, j'allais vers ces gens-là, j'ai un petit peu l'impression que je me ramasserais juste, genre, à avoir du mauvais sexe puis à me sentir comme un laboratoire. Bon, les gars straight sont pas non plus réputés pour être les meilleurs au lit de, comme, toutes. Il me semble que, genre, ça sent la pipe de taille crayon à plein nez. I mean, moi, je... Hey, déjà, c'est une pipe. Oui. Je pense. Ah, non, mais... moi, en tout cas, c'est ça l'affaire, c'est que j'aurais l'impression d'être en mode pédagogie, genre... Oui, oui, c'est correct, on peut faire ça. Oui, oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Oui, mon doigt est dans ton cul, ça arrive. Ça, oui, c'est beau, non, c'est correct. En même temps, quelqu'un qui découvre ça, c'est beau, là. Oui, ben oui. Mais non, mais c'est beau de le faire découvrir à quelqu'un, mais moi, c'est trop d'ouvrage. Il pourrait s'acheter une botte plug, ben c'est ça. C'est trop d'ouvrage, là. Moi, ouais, mais si, mettons, le gars, il est vraiment straight, mais il t'envoie des petits signes que peut-être que... Moi, OK, mais moi, là, c'est ça l'affaire. Non, mais moi, l'affaire, c'est qu'il y a plein... Étant donné que, genre, tu sais, je sais pas, là, au cégep ou à l'université, souvent, j'étais comme une des seules personnes gay out que, genre, des gars straight connaissaient, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a souvent cette petite dynamique-là de comme ouh, essayer de me faire des petits yeux pour voir comment je vais réagir ou tu sais. Mais je sais que c'est juste pour leur gain personnel à eux autres pour tester s'ils peuvent pogner avec un gogi. Moi là, I'm not getting anything out of this. Tu sais, c'est vraiment juste pour leur fun à eux autres. Fait que moi là, je mens pas à chaque fois si je pas cave là. Mais non, c'est ça là. À un moment donné, on va pas perdre d'énergie à faire comme oh my god, is there a possibility? Non là. Puis hétérosexuel là, ça peut passer des soirées à jaser puis à comme pour que finalement ils se passent pas grand chose parce qu'ils font juste apprivoiser l'entente. Non, moi je suis comme I'm a gay man là. Are we fucking or not? Mais moi j'avais un ami qui réussissait, ben c'est un ami qu'on a en commun qui non-stop là, genre je pense que c'était quasiment semaine après semaine il en convertissait un. It's a skill. Oui. It's a skill. Oui, mais c'est ça, mais moi j'ai pas cette patience là. Je veux dire, c'est pas juste un skill, c'est aussi de la patience, c'est prendre le temps, c'est comme réussir à inspirer la confiance, réussir à la rassurer. Moi, je suis pas capable de faire ça. Donc, ça répond un peu à ma prochaine question. Je voulais faire un petit tour de table qui était coupable ou non coupable. J'ai deux coupables non coupables. Le premier coupable non coupable, c'est tomber en amour avec un straight. Coupable, dans mon cas. T'sais, moi, peut-être au secondaire, mais tu sais, comme ça. I didn't know any gays. Quand là, on est pas des vôtre, enfants, là. Ça compte pas. Mais ouais, c'est ça. Hein. Mais moi, l'affaire, c'est que oui, là. Moi, l'affaire, c'est que je suis pas capable de, comme, tu sais, je sais pas, là, mettons, tu croises quelqu'un puis t'as comme un mini crush que genre, là, tu sais pas. Il y en a qui peuvent envoyer peut-être des gay vibes ou tu sais pas. Oh. Tu sais, moi, tant que je sais pas, j'ai pas, tu sais, comme, moi, je me laisse pas aller là. C'est ça. Moi, je me laisse pas aller là si je sais pas, là. Moi, j'attends de voir, puis là, après ça, moi, je suis comme, hey, attends, là. Avoir un crush sur un hétéro, I won't fool myself that way, là. T'as pas de coup de foudre. T'es pas un petit kamikaze. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Pas de coup de foudre, toi. Faut que tu saches tout le temps. J'ai pas de coup de foudre. J'ai passé l'âge, calice. Amnésie, un coup de foudre, quelqu'un. J'ai passé l'âge. Puis là, ben là, on l'a quasiment. C'est quasiment à poche. Mais là, attends, coupable, non coupable. Ouais, coupable. Ben là, coupable, nous autres, on le sait, vous avez déjà relaté. Non, mais moi, je suis non coupable. Je croise pas d'hétéro. Ah non, t'es coupable, là. Wow. T'as un code divorce. J'ai converti, mais je fais pas exprès. Non, c'est ça. Oh my god, j'en suis pas malgré toi. C'est le charme naturel d'Hervé, ça. C'est ça qui se passe. Ça capte de l'hétéro en passant par là, là. Coucher avec des straights, mettons, là, dans, on va dire, dans les 5 dernières années, là, pour pas remonter à notre adolescence troublée. Et... Mais tu sais, comme oui. Si on... Ah non. Ouais. Oui, c'est là coucher que j'ai réalisé. Coucher straight? Coucher avec des straights. Ah, OK. Non, pas non. Moi. Non. On va aller se faire un petit café, ben. Non, moi, coupable. D'ailleurs, je pense que la dernière fois, puis ça commence à faire longtemps que c'est arrivé, c'était dans le Backstar du Couche-Tard au coin de Beaudry-Sainte-Catherine. Ah, c'est beau. Ouais. C'est... Moi, là, les... Si vous faites le tour historique du village, c'est dans la brochure. Ah! Oh, moi, là, wow. Les histoires de dans le temps que j'ai travaillé au Couche-Tard du village, il n'y en a jamais assez. Oh my God, il y en a trop. Il y en a trop, c'est basi. OK, là, on va se mettre en mode plus... Qu'est-ce qu'on aime dans la culture straight ou qu'on n'aime pas? Oh, yes! La culture hétérosexuelle. Ce serait quoi les aspects qui nous laissent le plus clueless dans la culture straight? Moi, ce que je comprends pas, c'est Saint-Tite. Le festival. Je ne comprends pas Saint-Tite. Non, OK, moi, that shit, là, moi, pour vrai, je vous jure, à un moment donné, un contingent, on y va tout en genre fucking oui. Gay cowboys and dykes, genre, puis on fait juste genre takeover, un queer takeover. Mais j'ai une théorie, c'est comme leur drag à eux. Tu sais, ils se draguent tous en cowboy et ouais. En cowgirl, oh. Tu sais, c'est comme leur grand festival non, mais de drag. Il y a une tapette qui s'est faite beat up, là, Mané, oui, Nané, oui, là, oui, c'est oui. Ça. Non, mais c'est pour non, ça qu'il faut y aller puis résister puis comme queer, genre, oui. Queer that shit up, là. Imagine une gang de tapettes puis de dykes, là, bien en cowboy puis en cowgirl. Hey, moi, genre, j'embarque aller. Là, moi, dans l'autobus. Dans. Mais il faudrait qu'on soit beaucoup. Oui, il faudrait qu'on... Ben oui, ben oui. Ben oui, mais je veux dire, on vient de lancer l'idée. Slidez dans les DM si vous êtes down. On va vous mobiliser quand Saint-Tite s'en vient. On loue un bus, on y va. Là. Puis on serait ouais. Tout en dessous de la tente techno, là, c'est sûr. Là, country techno. Attends, il y a une tente techno? Il y a une tente pour tous les styles. Moi, je suis juste comme, quel genre de techno ils doivent passer? Ah, toi, là, la berlinoise. Bon, excusez-moi. Moi, j'avoue que quelque chose qui me gosse vraiment beaucoup de la culture straight, c'est quand ils comprennent pas les subtilités de notre humour. Tu sais, comme, mettons, le deuxième degré. Tu sais, mettons, quand je dis, ben non, je peux pas aller aux Trois Brasseurs, I'm too gay for that shit. Tu sais, je m'aime trop fif pour aller là. Mm-hmm. Puis que là, il y a juste comme quelqu'un, tu sais, comme un win hétéro qui me répond du tac au tac super sérieux. Ben non, ça n'a pas rapport. Je peux absolument y aller. Mais non, mais moi, j'ai un ami gay, il aime absolument pas ça, sortir dans le village, puis il sort juste dans des brasseries. Puis je suis comme, wow, are you trying to school me right now? Genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, tu sais, quand je. Tu sais, of course, il dit que je suis trop fif pour quelque chose, c'est une blague, c'est pas si sérieux. sérieux que ça. Tu sais, comme j'avoue que ça, c'est. Fallait juste rire, passer à l'autre. Je sais, moi, cet aspect-là. De... Mais sinon, tu mettons Ed Sheeran, je peux pas comprendre ça. Oh je my God, non. Je sais pas ce qui se passe. Ben nous, on adore les faire, eux autres. Ben oui, non, of course. Ouais, mais là, au deuxième degré ou au premier degré, là? Ben, je pense que si tu t'assumes vraiment un premier degré, le deuxième degré, il manne. Mais surtout, Ed Sheeran en plus, là, t'as-tu vu ce dude-là? Là, n'importe quelle... Non, mais pour vrai, n'importe quelle femme qui aurait à peu près... Non, mais n'importe quelle femme qui aurait genre à peu près, genre qui serait esthétiquement équivalente à Ed Sheeran pourrait jamais avoir de carrière. On vit dans un monde bien trop misogyne où on a bien trop des high expectations pour les femmes. Je sais, mais c'est quand même le fun qui s'est rendu là. Moi, je suis comme... Oui, mais c'est parce que c'est un dude, là. Genre, c'est pas vrai, là. Genre, mais déjà, un dude qui est pas dans les standards, vraiment. Je trouve ça le fun. Moi, le petit rouquin, là, qui est comme... Il botte un truc là, de boxe, puis la fille asiatique nice, tu sais, genre, je suis comme, ouais, tu sais, avec les standards de beauté. Mais tu sais, je suis comme, OK, tu sais, mais tu sais, quand est-ce que tu vois une fille juste average looking, que genre une grosse carrière, là, fuck off, là, ça arrive jamais. Moi, ça me fait chier. Ben ouais, même. Full pitoune back in the days, là, les gens trouvaient vraiment chaud. Vraiment pitoune, là, ses yeux. De toute façon, moi, c'est ça mon point. Qu'est-ce qui me laisse le plus clueless dans la culture straight? C'était Marie-Chantal Toupin en général. C'est quoi, ça, j'ai écrit, je comprends pas comment ça se fait, ça a pogné. I mean, I kind of get it. Well, she's a tough bitch, là. Elle aurait fait une meilleure carrière en drag king, je trouve. Avant qu'on comprenne qu'elle était raciste, là. Ouais, ben là, puis qu'elle écrit juste en caps lock, là, je veux dire, c'est deux gros downside. Moi, il y a le sport. Cette fascination du sport. Toi aussi, ouais, Hervé? Ouais. Ben, les voyages de sport. Genre, aller voir un match de baseball à Boston. Là, Oui. Ça me dépasse. Mais... À part si c'est du roller derby, ça, je peux comprendre. Genre, là, je serais comme. Alors, ben, c'est Dyke as fuck. Ça, c'est Dyke as fuck. Je serais comme, ben oui, on voyage pour du roller derby. Nous, on a une tournée de planifier. La semaine prochaine, on s'en va voir dans le reste. Non, mais comme moi, je comprends pas comment tu peux juste même regarder le sport. Est-ce que c'est plate, Carlis? Hey, tout le monde trippe sur le football tout à coup dans le temps du Super Bowl. Là, t'sais, on c'est très bien. J'entends pas parler de football à l'année. Non. Quand c'est le Super Bowl, tout le monde en parle. J'entends pas parler de soccer à l'année. C'est la Coupe du Monde, tout le monde en parle. Mais tu sais, nous autres, on s'entend que les queers, on check RuPaul's Drag Race, c'est vraiment plus entertaining. Là. Il se passe plus d'affaires. Le montage est vraiment plus comme. Tu sais, moi, Mané. Le monde dit, c'est le Super Bowl, les gars. Je suis comme, non, c'est bien meilleur que ça. Ben oui. Non. Moi, Mané, une game de hockey, j'avoue que. Tu sais, suivre ça. Attends, là, la puck est pas grosse sur l'écran, Carlis. Ok, là, je vais faire un petit tour de table rapide. Qu'est-ce qui vous dans vos goûts, dans vous autres, c'est quoi votre côté straight? C'est quoi votre côté genre full hétéro là? Ben moi j'ai un grand fantasme. Puis là c'est... Oh les confessions. Non c'est bien soft ça va être vrai. J'ai mis les expectations dans le tapis là, mais ce serait que vous savez les fameux vendeurs de fleurs qui débarquent dans les restaurants là, tu sais, et nous ils nous regardent pas, est-ce que hey sérieux, le premier vendeur de fleurs qui dit hey mesdames, vous devez-vous acheter une fleur pour votre amoureuse, on y achète son paquet au complet, son truc. Ben oui, si, oui. Hey. Non, moi pour vrai là, j'ai une amie qui avec sa blonde il magasinait un matelas, puis ils se sont fait demander est-ce que vous êtes sœurs. Il achète un matelas, quelle sœur achète un matelas ensemble, genre how does that work, genre voyons là. Excusez-moi, ils ont pas beaucoup d'argent, ils vivent dans un appart tout petit. Voir que ton réflexe c'est de demander est-ce que vous êtes sœur. My God, écœurant. Il y a beaucoup de chemin à faire encore, on pense pas, mais il y a beaucoup de chemin. Barnac. Fait que le rock c'est son fantasme de pouvoir acheter une rose à sa blonde. Acheter une rose à ma blonde. Ça c'est straight. Toi Hervé, ton petit côté straight qui sommeille en toi. Je pense que c'est le métal. Ah ouais. Le bois. Quel métal? Le fer. Ah non. C'est la musique, genre. Non, les matières, genre les vis comme les. Ah ouais. Un manuel. C'est ça. Les... Ok. Hervé c'est un artiste. Ouais, un vrai manuel. Moi je vous haïs toutes parce que vous avez bâché sur Saint-Tite. Moi, mon côté straight, c'est mon amour profond pour le country western. Ah, bravo. Franco. Ah, non, ça, je comprends pas. Hein? Franco? Mais non, mais moi, c'est... Oh, oui, je peux te chanter à Famille d'Arèche d'un bout à l'autre au complet. Hein? Wow. Just watch me. Oui. J'ai vécu en Gaspésie, moi. Il passait par la radio, c'était magnifique. Caillouche. Caillouche. Y a-tu quoi de meilleur que du caillouche? Moi puis Hervé, on s'en regarde puis on a aucune référence. Voyons on comprend donc. Absolument pas ça. Moi, j'en reviens pas qu'il a plugué la famille d'Arèche, là, c'est bon. Là. Oh yes. My God. Poisson d'argent, Pascal, quelque chose. Poisson d'argent, connais-tu la toune Poisson d'argent? Non, je connais ça. Ah, m'a te la faire écouter, je lis. Non, c'est pas vrai. On a un extrait. Non. Vous voulez pas entendre ça. Y a aussi mon amour du métal, mais pas le matériau, la musique. Ah! Ouais. Ben moi, je pensais que c'est ça. J'étais comme, OK, le métal. Quel métal? Je des matières. Charlie, toi, ton côté ben straight? Moi, mon côté straight, c'est juste mon côté un peu Uber Daddy, là, où genre, on m'a fait des petits lifts, là. Tu m'as amené te chercher chez vous. Jusqu'à, tu sais, c'est très out of character for a fag, genre, mais tu vois, je suis comme, ah, tu sais, moi, faire des petits lifts, du monde avec mon char, là, bah, je suis un peu daddy pour ça. Là, fait que vraiment, toi, c'est ce que t'as trouvé le plus straight chez vous. Mais je sais, je suis tellement. Ben, en même temps, c'est ça. On l'a mentionné souvent, t'as deux mères, fait que toi, t'as même pas besoin d'être en contact avec des hétéros dans la vie. Moi, je peux passer vraiment longtemps sans parler à des straights, là. Toutes mes colocs sont queer, genre, mes mères sont lesbiennes. T'sais, si je vois pas ma sœur, pour vrai, souvent, je vois juste pas d'hétéros, là. Bon, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand même. C'est vraiment impressionnant. Fait que nous autres, là-dessus, on s'en va infuser notre Folgers instantané dans des larmes de straight et on vous revient sans aucun regret et over caféiné. De retour, rassasié et crinqué en compagnie de Hervé Métal et Rock Bière. Puis là, on a accordé assez de temps aux hétéros. Ben oui, deux segments complets. Ça va, là on peut, on pourrait profiter de cette histoire-là pour parler plus spécifiquement de la scène drag king à Montréal et ailleurs. Yeah! Fait qu'avec la popularité de RuPaul's Drag Race puis l'avenue de la version canadienne, plusieurs disent qu'on est dans un âge d'or du drag, juste parce que ça s'est mainstreamisé vraiment beaucoup. Puis en plus, il y a London Cider là, qui vient de gagner Dragula. Yes, sir! Yes. Well deserved. Est-ce que la scène drag king profite de ce vent de popularité-là, en fait? Je pense que oui. Parce qu'il y a plus de shows, il y a plus d'opportunités. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire de ce côté-là. Parce que, tu sais, RuPaul Canada, je pense pas qu'il va y avoir des drag kings sur l'émission. Non, il y en a vraiment. Mais aussi un truc de comme le public de RuPaul's Drag Race est très habitué au truc, genre, tu sais, de drag queen. Genre, s'il y en a une androgyne dans la gang par saison, c'est genre bon, là. Tu sais, c'est très. Beaucoup c'est dans ça. La performance de la féminité, puis ils sont pas habitués. Un flyer, oui. Ouais. C'est ça. Puis d'ailleurs, c'est ça aussi l'argument pour Mado pour les week-ends. Tu sais, les week-ends, c'est comme les gros shows du Mado. Puis c'est l'argument. Les gens, ils viennent là pour le Disney, pour la magie de la chose. Ils veulent voir un gars qui met des talons, puis que l'illusion est totale, tu sais. Puis on a encore. Il y a une porte qui s'ouvre, puis il y a des filles qui performent, puis peu importe le genre, peu importe la. Là, maintenant, c'est beaucoup plus fluide, mais ça. Beaucoup plus. Ça s'en vient tranquillement. Ouais. Tu sais, juste de voir qu'il y a des filles, puis qu'il y a des performeurs qui offrent une forme un peu plus décalée. Qui se propose le week-end. Déjà, on voit là, qu'il y a une amélioration, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est le fun qu'il y ait du chemin à faire, en fait, pour nous. Parce qu'on est friche, puis... Ouais, tout est à construire, en fait. Ouais, c'est ça, tout est à construire. Boum Desjardins, qui chantait ses tunes avant? Tabarnak! Qui chantait Boum? C'est ce qui m'amuse le plus de voir des drag kings. Je me rends compte qu'il y a tout un pan de la culture pop qui était laissé dans l'ombre. Mais ouais! Parce que les drag queens doivent, entre guillemets, là, doivent faire des chansons de filles. Ben là, à cette heure, on s'en calisse un peu plus. Là. Ça peut être gender fluide, justement. Ouais. Mais les icônes étaient faites, tu sais. Il y avait Elton John, il était fait quand même. Michael Jackson, on les voyait passer. Mais là, d'aller dans la culture, la sous-culture pop, surtout Keb aussi, Québec, c'est bien le fun. C'est ça, parce qu'il y a plus de drag kings dans le milieu anglophone, mettons, dans l'histoire des drag kings. Ouais. C'est très queer, très anglo. Oui, c'est ça. On n'a pas vraiment répertorié de drag king Keb. Mettons, dans les 20 dernières années, hey, moi, franco, Chris, là. Et tabarnak. Moi, j'étais assez content, par exemple, parce que Etoune à Boom, là, ressortez-moi ça. Tu me manques. La chicane. Est-ce que vous connaissez le cover de Dan Bigra, de Evanescence? Ah oui! Oh my God, oui, ça a circulé sur les internets. Ouais, ah oui. ça va être... Il va falloir ressortir c'est, ça aussi. C'est autant iconique que... C'est quoi la tune de Ozzy Osbourne que Michel Charles avait faite, là? Oh, je sais pas. Anyways, même affaire. Oh, magnifique. Écœurant. Ouais, faut que nos stars aillent, là. Ouais. Et surtout qu'il y a tellement un truc weird avec les espèces de masculinité pop keb ou genre, tu sais, comme... J'ai l'impression qu'au Québec, les matantes aiment beaucoup comme les espèces de bad boy un peu dépareillés, tu sais, pas trop arrangés, mais comme viril, comme rocker bon gars pareil, tu sais, puis genre, je sais pas, là... Genre, des rockers au cœur tendre. Oui, c'est ça, mais tu sais, genre, on s'entend, là, genre, Safia Nolin, elle arrive genre en t-shirt à la disque, puis everybody loses their shit. Puis genre, dans les années 90, t'avais literally, genre, Dan Bigra en camisole les cheveux gras. Et puis personne dirait. Puis pour vrai, Dan Bigra, il n'y a pas d'allure. Là. Mais non, puis tout le monde est d'accord. Tu sais, sa fille, mon Dieu, elle n'a pas de bon sens. C'est vrai, ça n'a pas de bon sens, son image, tout ça. Puis autour de moi, tu sais, des gens que je me dis qui sont ouverts d'esprit, puis je suis comme, ah, non, mais attends un petit peu. Là, on va juste prendre une distance, là. On va faire un petit step back. Il n'y a pas une espèce de système à deux vitesses parce que en ce moment, Hervé fait Drague-moi, la compétition de drague qui se fait au Mado tous les mercredis soirs. Rock, t'as gagné Drague-moi l'année passée. C'était une espèce de forecast pour London Cider. T'as lancé sa carrière, dans le fond, Rock. Oui, c'est ça. Ils ont dit, ah, ben là. Ils m'ont rencontré, puis il a dit, comment on fait? Puis j'ai dit, ah, regarde, boy. Bro. Hey, non, mais sérieux, je le connaissais même pas, London Cider. J'ai une photo à côté de lui. Tu sais, moi, j'ai été catapultée dans le monde de la drague, puis j'étais à côté de lui, j'étais comme, hello, puis je connais pas London Cider. Mais c'est ça, parce que. Moment où Mélodie, Rock, était comme, c'est qui ça? Tout le monde prend des photos avec. Puis je suis comme, OK, je te prends photo avec live. Oui. Go. Puis là, elle la regrette pas. Hey non, je t'aime. Aïe, aïe. Ben c'est ça, ma question, où est-ce que ça s'en allait? Ouais. C'était, tu sais, d'un côté, c'est clairement possible de gagner Drague-moi as a drag king. Ouais. Mais dans le même bar, ça semble quand même très compliqué. Vous le disiez, de vous faire plugger un vendredi puis un samedi. Ouais, fait qu'on met ça sur le dos des straights tant qu'à faire un épisode. On met ça sur le dos des straights. Mais nous, on aime personnifier les straights. Fait que c'est ça, c'est peut-être ça. C'est peut-être la haine. Non, c'est pas vrai. Mais sans blague, je pense que c'est juste une question d'habitude puis de c'est une question de savoir, de s'ouvrir l'esprit puis de vraiment réfléchir à qui tu peux booker. Parce qu'il y a Charlie Deville qui a fait un call un moment donné, a fait « Hey, salut, tu sais, on voit que vous bookez pas des drag kings. » Puis tout à coup, là, mon téléphone s'est mis à sonner un peu plus. Puis je suis comme « Ah, OK, tu sais, il faut juste être un petit peu dans l'imaginaire collectif. » Puis c'est ce qu'on fait, tu sais. Je me dis, ça sert à rien de juste me plaindre puis de faire comme « Oh, me bookez pas. » Non, c'est d'être là puis d'offrir des performances de qualité puis... Coudonc, ça c'est en train de changer. Fait que tant mieux, là. Ben oui, parce que. Oui, vas-y. Non, mais je pense qu'il y a aussi un truc de comme, tu sais, les bars devraient comme moins faire attention à leur public, puis juste leur montrer les mêmes affaires, puis se dire que s'ils leur montrent d'autres affaires, comme ça va les choquer, tu sais, puis plus faire confiance au monde, faire comme, ben, ils sont probablement capables d'en gérer au moins une en fin de semaine, commence avec ça, puis check s'il n'y a pas d'émeute, tu sais, continue, là. Puis aussi basique que de la façon de nous présenter, tu sais, les pronoms qu'on utilise, tout ça, sont tellement habitués de dire her, she, oh bitch. Fait que là, tu sais, tout réapprendre ça, c'est con, mais c'était dans le subconscient de animatrice depuis genre 10-15 ans. Ouais, ben oui. C'est niaiseux, par contre, que dans un bar gay, tu sais, pas capable, tu sais, que dans un truc de drague, tu pas capable de faire ça, des pronoms comme du monde quand t'es en king. Cet artiste-là, cette femme-là, John était comme, ça me dérange parce que ça brise la magie du mâle qui débarque, tu sais, cette fille-là est vraiment bonne, tu sais. Oui, parce que autant les drag queens, genre, sont là pour ridiculiser ou caricaturer une féminité extrême, pas toutes, mais beaucoup. Il y a beaucoup ça chez les drag queens, puis je pense que c'est peut-être là où ça fesse un petit peu plus fort parce que on rit beaucoup des gars straight puis de cette hyper masculinité là, je veux dire surtout vous deux là, vous êtes... on s'amuse dans ce terrain là, ouais, on aime bien ça. Puis y a-tu comme justement là, tu sais, les drag queens sont habitués, ils ont quand même un pas toutes là, mais ils ont un modèle de pensée. Y a-tu des préjugés contre les kings, genre c'est plus facile, c'est pas le même? Oui, ben je pense que les drag kings sont vus comme des lesbiennes qui se maquillent un petit peu. Tu sais, je pense qu'ils ne voient pas tout le maquillage. Tu sais, comme pour vrai, ça ne prend autant deux heures, de temps, là, ouais. Se maquiller, se coller du poil. Ouais. On se les colle poil par poil, là. C'est pas comme on n'achète pas une moustache ou imagine le fun. Anyways, les moustaches sont faites pour les hommes. Genre, sont vraiment trop grosses pour moi. Fait que, tu sais, il y a du make-up, tu sais, faire les perruques. Puis il y en a eu moins, donc il y a moins de modèles, donc il y a moins de tutoriaux en ligne. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des modèles un peu plus boboches, des kings qui ont essayé puis que c'était pas top top. Le nombre de fois qu'on m'a dit, ah, tu sais, toi, c'est le fun, tu mets des perruques ou, tu sais. J'imagine qu'il y en a qui ont essayé puis qu'il y avait pas les références où ça a été fait des fois de façon maladroite alors que, tu sais, il faut continuer, persister, voir c'est quoi qui fait qu'un king, c'est impressionnant puis c'est intéressant à voir sur scène. Oui, t'sais. Parce que, tu sais, on est à côté des queens, là, tu sais, à mesure, genre, 6 pieds de plus que moi. elle a des paillettes, la grosse perruque, tu sais, j'ai l'air d'un bébé. D'un petit tas de cuir. Oui, c'est ça, un petit tas de cuir à côté. Mais il y a moyen de rendre ça flamboyant quand même si on est tout petit, tu sais. Fait on le cherche encore, tu sais. Mais ouais, le préjugé principal, c'est que c'est plate. Ah, les drag kings, c'est plate. Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Mais c'est vrai que quand même, ça prend genre vraiment plus de débrouillardise dans la mesure où, comme, tu sais, même si. C'est-à-dire que si t'as de l'argent, tu peux avoir un look de drag, genre, pas messie, tu sais. Oui. C'est-à-dire, si tu fais du drag queen, parce que si t'as l'argent, tu peux pogner des affaires qui ont de l'allure, tu peux t'arranger pas pire, puis ça peut aller. Tu peux marcher gauche-droite, connaître ton lip-sync, puis t'as ton numéro, là. Drag king, c'est pas une affaire de, au pire, tu peux tout acheter en pièces séparées, parce que justement, comme c'est ça, là, les perruques seront pas stylées déjà, t'as pas déjà le poil que tu te colles, ou juste toutes ces affaires-là. Fait que dans le fond, faut tout que tu fasses rien, c'est quand même. Ouais, ben, y a London qui donne des kits de base pour se partir en drag king. Ah ouais? Mais oui, c'est ça, avec le binding, tout ça. Y a, ça s'en vient tranquillement, mais oui, la perruque que j'ai pas eu vraiment à toucher, c'est une perruque de personne âgée, de femme qui porte les cheveux un peu plus courts, mais c'est difficile, j'avoue, de trouver des perruques qui ont un look plus masculin. Puis pour ceux qui savent pas, là, se taper les totons, ça fait mal. Oh, oui, c'est ça clair. Fait mal. C'est douloureux. C'est clair. Je comprends que se taper le paquet, c'est tough, mais ouais, on a le pendant. Ouais. Mais là, il y a quand même, parce que tu vois, pendant qu'on jase, je réfléchissais, il y a quand même, tu sais, je sais qu'il y a une compétition de drag king qui s'appelle King of Kings. Exact. À Montréal. Mm-hmm. Je sais qu'il y a Manspread, qui est un show mensuel. Exact. Si ma mémoire est bonne. Le seul show mensuel au Québec. Oui, le seul show mensuel au Québec, point. Il n'y a pas d'autre show mensuel au Québec. Toutes les autres sont bimensuelles. Non, c'est ça, Oui, qui est hosté par Charlie Deville, si ma mémoire est toujours bonne. Ma mémoire est bonne. Anyway, je vous follow tout sur Instagram, la gang, je sais ce que vous faites. Yeah. Qu'est-ce qu'on espère pour les drag kings dans le futur? Mmh. Ils n'ont pas d'espoir. Ça fait... On est parti. On est sorti du studio. Trouver la paillette du drag king. Là. Je pense qu'on la cherche encore. C'est le fun parce que c'est très diversifié, justement, parce qu'il n'y a pas de modèle fort, tu sais. Il y a beaucoup de copier-coller RuPaul Drag Race, on va se le dire. Puis c'est tant mieux parce que y en a qui l'exécutent super bien, il y en a qui vont aller un peu ailleurs. Donc, moi, je trouve que c'est un point fort du drag king, que c'est beaucoup plus diversifié dans son art parce qu'il n'y a pas de modèle clair encore, tu sais. Mais là, on va voir plein de petits London Siders débarquer, puis tant mieux, tu sais. Tant mieux. Oui, je pense que ça va lancer. Mais même à ça, moi, je pensais qu'il allait en avoir plus, mais dans ma saison de drag, moi, je suis le seul drag king. Ouais, moi, j'avoue que ça, c'est une de mes grandes déceptions. Qui ont auditionné, là. Zenith. Oui, Hyper King. Oui. Hyper King. Ben oui. C'est ça, un Hyper King. Ben, je pense qu'il est plus genderfuck. Genderfuck, c'est vrai qu'il s'amuse avec le genderfuck. Quand tu écouteras ceci, tu nous enverras la réponse à cette question. Mais même lui, tu sais, il est en recherche de son personnage, veux pas, puis c'est ce que Dragmoi aide à faire aussi, tant mieux, tu sais, que ce soit pas des personnages qui sont déjà au bout de leur réflexion, tu sais. Ben oui, il est en train façon, vraiment. Ben, c'est ce que j'ai trouvé particulier avec la version. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on est embarqué sur Dragmoi, mais j'ai envie d'en parler pareil. Ben oui, donc. Mais cette année, les gens sont arrivés avec un niveau très abouti. Ouais. Que moi, j'étais allé l'année passée, c'est pas le même coloc, mais ça fait 2 ans que mon coloc fait drag moi, c'est juste 2 colocs différents. Ah! Puis, cette année, j'avais la gueule à terre, j'étais comme. Drag moi, ça se présente comme une école, j'étais comme ces gens-là. Non, tu c'est peux ça. Y booker demain matin, là. Mais c'est à se demander si c'est la vocation de drag moi rendu là. Oui. Mais c'est ça, la vocation de drag moi, il y a une question à se poser, mais je pense que c'est le fun que le niveau augmente, puis que c'est ça, là, la rumeur, c'est comme que Miss Cocktail, c'est peut-être plus l'école drag. Ouais. Puis après ça, drague-moi. En tout cas, je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi. Ouais, c'est la rumeur. C'est pas ma théorie à moi, là. La hiérarchie Mado Cocktail. Pour revenir à ta question, ça serait vraiment le fun, une soirée de king au Mado. Ouais. Un vendredi de king? Un vendredi. Hein? Là, j'en demande en crise. Là, j'en demande en crise, mais ça serait hot, là, tu sais. Peut-être dans 20 ans. Faire du stand-up, là, tu sais, être vraiment. Deux petits bonhommes, là. Richard pourrait faire un mardi de king, là. Un mardi de king. On a déjà fait. Ouais. C'était fucking nice. Bon, c'est faisable. Mais si personne n'est mort, le bar est encore là. Mais, tu sais, moi, j'envoie juste un message aux filles. Tu sais, il y en a qui veulent en faire, mais faites-en. Posez des questions. Nous, on est toujours prêts à aider, à montrer comment se maquiller, tout ça. Faites-en. Tu sais, ça commence par là. Tu sais, il faut qu'il y ait des filles qui en font, puis qui en font bien, tu sais. C'est ça. Exact. Bon, ben merveilleux, fait que je pense que ça conclut notre petite discussion, ça. C'est assez. C'est jamais assez. Je voulais pas que ça finisse. Ben moi non plus, mais on va aller quand même se chercher un dernier petit café, puis on va vous revenir pour la conclusion. Toute bonne chose, une fin. C'est-tu que t'es plat? Et c'était tout pour notre émission de cette semaine. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. Hervé, Rock, on vous remercie d'être venu. Hey, c'était le fun. Quel plaisir. Merci. Quel plaisir. Avez-vous une petite chose à plugger? Hey, tellement. On a vraiment beaucoup de choses à plugger. Ben là, allez-y. T'es-tu prêt? Okay. Shopping list. Ben, ensemble, on est propriétaire du café Reine Garçon sur Duluth à Montréal. Au coin de Saint-Hubert. On est également propriétaire d'une compagnie de théâtre qui fait des shows de marionnettes et autres shows. Et drague. Flyer. Oui, c'est ça, un peu partout. Ça on explore. S'appelle Pleurer dans la douche. Mm-hmm. Ah. C'est que c'est bon! Suivez-nous! C'est tellement bon! Là. Puis aussi, on va faire un gros party l'été prochain pour nos fiançailles, fait que vous êtes tous invités. Ah yes! On va vous share l'événement sur nos réseaux sociaux. Parlant de réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 FIF le matin, le chiffre 2, FIF avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire shutdown par la police des mœurs, puis le matin, le tout en un mot. Oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez les podcasts. Likez-nous, partagez-nous, c'est tout ce que vous pouvez faire. Thumbs up. À la semaine prochaine, les moons! Bye les moons! Bye les moons! Au revoir!